Les complexes sont des accumulations d'aptitudes extraordinaires provenant du fait qu'on ne comprend pas nos mécanismes. Un complexe, là, c'est le résultat du fait qu'on ne comprend pas nos mécanismes. Mais il ne faut pas mélanger les complexes avec les aptitudes. Les complexes et les aptitudes sont liés les uns aux autres. Bon, on va vous donner un exemple. Vous avez un tambour, vous avez des petits bâtons. OK? Le tambour, c'est complexe, les petits bâtons, c'est les aptitudes. Mais tu peux pas dire que le tambour, c'est le petit bâton. Le tambour, c'est le tambour. Mais tu peux pas avoir de la musique sans un petit bâton. Les aptitudes créent le son sur le tambour, qui est complexe. C'est comment on parle de... Si vous rentrez dans votre intelligence, que vous perdez, parce qu'on a parlé de la relation entre l'homme, le gestionnaire de pensée, ainsi de suite, que tout ce qu'on fait, c'est ça, papapapapa, là, on perd le tambour. Puis avec le temps, les petits bâtons ont plus de pouvoir. Comprends-tu? Mais le tambour doit disparaître avant les bâtons. Ils disparaîtront après les bâtons. Puis ensuite, il n'y a plus de bâtons, il n'y a plus de tambour. Là, il n'y a plus de ça. Allez, c'est le vide. Comment on sent les attitudes? Faut les reconnaître. Faut les reconnaître. Alors, aussitôt que vous êtes malheureux dans une situation de vie, il y a une attitude. Là, il faut que vous reconnaissiez. Un homme devrait être... L'homme a le droit de... L'homme a le droit seulement de souffrir. Il n'a pas le droit d'être malheureux. Ça, c'est subtil, ça. L'homme a le droit de souffrir, c'est-à-dire qu'il est dans le droit de la souffrance, parce qu'elle est vibratoire. Alors, l'homme a le droit de souffrir, c'est correct, c'est normal qu'un homme souffre, parce qu'il est voulu. Un jour, il souffre plus. Mais qu'un homme soit malheureux, c'est anti-homme, c'est anti-intelligence. Qu'un homme souffre consciemment, ça fait partie de sa transmutation. Mais qu'un homme soit malheureux, ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'une personne soit malheureuse. C'est pas normal qu'une personne soit malheureuse. C'est normal qu'une personne souffre. Mais qu'elle soit malheureuse, c'est pas normal. Être malheureux, ça vient toujours lié aux attitudes. Souffrir, c'est lié, c'est vibratoire. Non, quand t'es conscient, tu peux pas être pogné dedans. Mais reconnaître vos attitudes, c'est dangereux de créer une attitude face à vos attitudes. Ouais, c'est un grand danger, ça. C'est pour ça que c'est un grand danger. Il faut que vous reconnaissiez vos attitudes et que vous les tranchiez. Pas en créer une contre. Il y a une façon de ne pas créer une contre-attitude. C'est de ne pas vous occuper de l'attitude que vous découvrez. Si vous n'en occupez pas, vous allez la réaliser. Mais il ne faut pas que vous en occupiez. Si vous en occupez, vous allez créer une contre-attitude automatiquement. Mais si vous la réalisez, à ce moment-là, elle va disparaître éventuellement. Si vous en occupez, vous allez créer une contre-attitude. C'est ça que les gens font. La diplomatie se sert des attitudes positives pour créer des liens positifs entre les gens pour faciliter la communication des gens. OK. Il y avait une question là-bas, non? Okay. Bon. Les attitudes sont une façon à l'inconscience humaine de pervertir l'intelligence humaine. Les attitudes sont une façon aux forces anti-hommes, aux forces astrales, de pervertir l'intelligence de l'homme pour empêcher que descende dans l'homme l'intelligence. Les attitudes sont tous les moyens acceptables, possibles et imaginables, créés par l'astral dans l'homme pour confondre son intelligence. Un homme n'a pas le droit d'être malheureux. Il a seulement le droit de souffrir pour se conscientiser, pour en arriver un jour à ne plus souffrir. Dès qu'un homme est malheureux, il n'est pas en plein contrôle de son intelligence. Il est sous pouvoir astral à travers les attitudes. Quand un homme est malheureux, il est automatiquement prisonnier d'une illusion qui fait partie du jeu de 1, 2, 3, 4, 5 attitudes. Les attitudes se composent mathématiquement. Une attitude va en créer une autre, va en créer une autre, va en créer une autre, et éventuellement, les attitudes créent des nœuds. Les nœuds créent des complexes. Un complexe ne peut pas être créé d'une attitude seulement. Un complexe doit être créé de 2, 3, 4, 5, 6, 7 attitudes. Un complexe, c'est de l'attitude organisée. OK? Quand de l'attitude est devenue organisée, là, elle fait partie de la personnalité. À ce moment-là, c'est très difficile d'en sortir. Si ça va trop loin, mais là, t'as besoin d'un psychiatre, un psychologue ou un psychiatre, quoi. Quelqu'un, par exemple, qui va prendre une attitude, si quelqu'un a une habitude de bœuf, comme vous dites, là, pour vous imposer sa volonté ou sa personnalité, toi, tu peux créer, comme je disais avec lui tout à l'heure, tu peux créer l'impression. Ça revient au même mécanisme que j'expliquais. Tu crées l'impression. C'est pas une attitude que tu crées, ça va pas partir de toi. Tu vas créer l'impression. À ce moment-là, tu vas neutraliser son attitude. Il y a seulement une façon de neutraliser une attitude. C'est en créant l'impression de l'attitude. Pas l'attitude. Tu crées l'impression de l'attitude. L'impression fait partie de l'intelligence. L'attitude est astrale. Une impression, c'est toujours plus puissant qu'une attitude. Tout le temps. Une impression, c'est toujours intelligent. Tout le temps. Puis les gens, il y a des gens qui ne sont pas capables de créer des impressions. Parce que pour pouvoir créer des impressions, il faut être assez agile dans le mental. Il faut être assez vite, comme on dit. Puis comme les gens ne sont pas assez vite, ben ils vont rester au deuxième niveau. Ils vont créer deux attitudes. Une personne intelligente va créer des impressions. Une impression neutralise une attitude. Très puissante, l'impression. Oui, exactement. Moi, si je dis un taxi driver, si je m'en vais en ville, puis un taxi driver, qui, tu sais, quand même, c'est pas tout des cadeaux, un taxi driver. Bon, mais je vais créer une impression. Fait que si ça me donne d'abord, puis il dit, hey man, you want some drugs? Je vais pas dire, non, je prends pas ça, moi, ces affaires-là. Comprends-tu? Il m'a dit, combien est-ce qu'il charge? Il m'a donné l'impression que je suis dans le même jeu que lui, que je suis dans la même attitude que lui, on va être chum. Si je dis, ah oh non, je touche pas ça, moi, ces choses-là, mais là, ben, il va manger de la merde. Comprends-tu? Comprends-tu? Il faut crier. C'est subtil, ça. Mais c'est bien, bien réel. C'est jouer le jeu. Les anciens disaient, quand t'es à Rome, fais ce que les Romains font. Ils disent pas comme un grec. Comprends-tu? In Rome, do as the Romans do. Crée l'impression. Mais ça demande d'intelligence, tu vois? Ils disent, faut jamais avoir peur de se mouiller les pieds. Du moment que tu prends pas de froid. Moi, je comprends pas la différence entre le malheur et la souffrance. Grande différence entre le malheur et la souffrance. Je parle de la souffrance consciente, je parle pas de la souffrance inconsciente. La souffrance inconsciente fait partie du malheur humain. Je parle de la souffrance consciente, ça n'a rien à faire avec le malheur. La souffrance consciente, c'est une élévation de la conscience de l'homme. Tu es obligé de souffrir parce que tes corps s'ajustent à une autre vibration. Tandis que le malheur, c'est purement à cause de l'ignorance de l'homme, à cause de l'inconscience de l'homme. À cause des attitudes. Comme un exemple. Bon, n'importe quel exemple. Là où il y a malheur, il y a attitude. Tu perds ton enfant, t'es malheureuse, t'as des attitudes. T'es pogné. Là où il y a malheur sur la terre, il y a des attitudes. Là où il y a souffrance consciente, c'est plus des attitudes. C'est la conscience. Là où il y a de la souffrance humaine, c'est lié au malheur humain. Ça fait partie ensemble. La souffrance humaine, quand tu es inconscient, fait partie de l'expression psychologique du malheur, qui est le produit de tes attitudes dans la vie. Il y a toujours des attitudes dans le malheur. Un homme conscient ne peut pas être malheureux, il peut souffrir. Moi, je souffre, mais je suis jamais malheureux. Malheureux, moi, ça tient pas dans ma tête. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ça. Je suis capable de l'expliquer, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais je peux souffrir, là. Le rôle de la mémoire subjective par rapport à l'attitude? Le rôle de la mémoire subjective, c'est de les entretenir. Ouais. Les entretenir. Mais quand la mémoire est coupée, finalement... Quand la mémoire est coupée, plus elle se coupe, moins elles sont entretenues. C'est-à-dire qu'on peut partir sur l'attitude, c'est facile de les passer. Continue donc. Mais c'est quand on n'a pas, la mémoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on cache quelque chose, ça passe vite. Puis on le laisse passer finalement. Oui. La mémoire Si t'es capable de laisser passer à ce moment-là, à part. Si t'accroches pas dedans. Mais si t'accroches dedans à ce moment-là, tu vas vivre là-dessus. Si t'es capable de laisser passer, mais à ce moment-là, mais c'est parce que t'as de l'intelligence. Faut que tu laisses passer quelque chose. faut qu'il y ait de l'intelligence. Faut que tu laisses passer de la mémoire, faut qu'il y ait de l'intelligence. Alors, je continue ces attitudes. Les attitudes sont un moyen extrêmement perfectionné des forces astrales dans l'homme qui permettent que l'homme, sans s'en rendre compte, se dédouble. Autrement dit, quand un homme vit des attitudes, il se dédouble imperceptiblement. Quand un homme, là, est très, très affecté dans ses attitudes, là, qui est très, très, très pris dedans, là, il se dédouble pour le vrai. Les gens qui sont fous, par exemple, là, qui se dédoublent, sont totalement prisonniers des attitudes. Alors, les attitudes créent, surtout s'ils sont très très fortes, créent une sorte de dédoublement astral. Et automatiquement, un homme qui vit un dédoublement astral vit de moins en moins de son intelligence. Les gens vont dire des fois, une personne va dire, moi, je t'ai fait une colère bleue. C'est une colère bleue. C'est un dédoublement astral, une colère bleue. T'es plus toi-même. Ça vient d'une attitude extrêmement puissante chez vous. Il n'y a rien de bon dans une attitude. Il n'y a jamais d'intelligence dans une attitude. Jamais. Ce que je dis, il n'y a jamais d'intelligence dans l'âme. Ça, c'est une clé extrêmement importante pour l'homme de réaliser qu'il n'y a jamais d'intelligence dans l'âme. Jamais. Seulement de la mémoire. Expérimentale. Accumulative. C'est pour ça que c'est si difficile pour l'homme de vivre sans attitude. Parce que l'homme est composé subjectivement. Et sa composition subjective, elle est faite d'attitudes. Des attitudes positives ou des attitudes négatives. Une attitude positive, c'est aussi mauvais qu'une attitude négative. Seulement, ça a un rôle et une fonction différente. Un homme peut aussi bien retarder son évolution en étant trop bon qu'en étant trop mauvais. En étant trop bon, ben, il développera pas de volonté. En étant trop mauvais, il développera pas d'intelligence. Une attitude peut être amenée à une manifestation d'entêtement sur le plan subjectif inconscient. Mais une attitude, ça c'est bien intéressant que tu amènes ça. Une attitude, là où il y a de l'entêtement chez une personne, c'est toujours à cause d'une connexion très forte avec l'astral. Il y a une personnalité ici qui te dit ici son rapport avec elle et qui t'impose une vibration qui va te faire vivre sa relation d'une façon qui est attitude. J'ai déjà dit que l'homme est bon, que l'homme est correct, que l'homme est un être, un porteur de lumière. Il est tout décoloré, il est tout déconcrissé à cause de son contact avec l'astral, à cause des attitudes. Donc un homme qui est entêté, c'est à cause du contact de l'autre bord qui coupe son intelligence. Et qui automatiquement crée chez lui de l'attitude. Pourrais-tu parler manque de confiance versus la plus confiance, trop grande confiance en quelqu'un ou un manque de confiance? Une trop grande confiance envers les gens, ça n'a pas d'affaire avec les attitudes, ça a d'affaire avec la naïveté. La naïveté, c'est pas une attitude, c'est un manque d'intelligence. Avoir trop confiance aux gens, c'est un manque d'intelligence. C'est pas une attitude. Manquer de confiance aux gens, là, c'est une attitude. Donc ça, c'est intéressant. Quand tu as trop confiance au monde, c'est un manque d'intelligence. Écoutez, la maison, elle est au bout. Elle aime bien ça. Quand tu as trop confiance au monde, c'est un manque d'intelligence. Quand tu n'as pas assez confiance aux gens, c'est une attitude. Et ils disent, regardez-la bien de près, celle-là. Parce que quand tu as trop confiance aux gens, tu te laisses influencer. C'est un manque d'intelligence. Quand tu n'as pas assez confiance aux gens, tu as une attitude qui est fondée sur le mécanisme de l'insécurité de l'ego. Alors, un est astral et un est mental. Quand tu as trop confiance, tu n'arrives pas. Non, c'est un manque d'intelligence. Là, tu deviens non confiant. À ce moment-là, c'est parce que tu es trop confiant, tu deviens non confiant. Une contre-attitude. Ça devient une contre-attitude. Exactement. Une contre-attitude. fais poignarder dans le dos, là. Ouais. Ouais. C'est ça. Non. C'est une contre-attitude. Non, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont bien enracinées dans les attitudes, qui sont capables de les voir, qui sont prêtes, là, à faire prise de conscience, dans le sens-là, puis il y en a d'autres, là, qu'ils ne sont pas prêts? Parce qu'ils ont pas souffert. C'est la souffrance qui détruit certaines attitudes. Quand je dis la souffrance, là, je veux dire la conscientisation, voir. Puis la raison pour quand je dis la souffrance, c'est parce qu'il y a toujours des situations de vie qui vont faire que tu vas voir. Ils vont te le mettre sur le nez, tu sais. Fait que dans ce temps-là, dans ce sens-là, il y a une souffrance. Parce que... Moi, je leur ai déjà demandé quelque chose. J'ai déjà dit, comment ça se fait que vous nous avertissez pas? Pourquoi est-ce que vous nous parlez pas comme nous autres, on se parle entre les hommes, t'sais? Pourquoi est-ce que vous nous dites pas, que vous nous expliquez pas les choses d'avant? Ils disent, vous avez toujours besoin d'un choc pour évoluer. Vous pouvez pas évoluer sans choc. Quand même qu'on vous expliquerait, ça change rien. Il faut que vous viviez l'expérience. L'expérience que le choc vibratoire, ça vous amène à une autre intelligence. Sans ça, ils disent qu'on ferait de la philosophie avec ce qu'ils disent. Parce qu'on n'est pas capable, on n'est pas capable de prendre objectivement ce qu'ils nous disent. Puis si on était capable de prendre objectivement ce qu'ils nous disent, ben on serait plus dans des attitudes. Fait qu'on est obligé toujours de vivre l'expérience. Bon, exemple, lui. Lui, il enseigne à ses gars depuis des années de temps comment jouer à la balle. C'est un instructeur physique. Fait qu'il enseigne aux gars comment jouer à la balle pendant des années de temps. Il leur donne un conseil. Dernièrement, il joue à la balle, puis il se fait mal à la main. Le conseil qu'il avait donné aux jeunes, il ne se l'est pas appliqué. Quand même, fait qu'il savait dans son intelligence. Mais c'est l'expérience qui a fait réaliser. Puis c'est de même. C'est pour ça qu'ils disent, donner des conseils aux gens, c'est facile. Parce que quand on donne des conseils aux gens, ça flatte toujours notre ego. Ça nous flatte de donner des conseils. Parce que ça implique qu'on sait ce qu'on dit. Mais ils disent que c'est pas important de savoir ce qu'on dit. Ce qui est important, c'est d'être capable de faire ce qu'on sait. Mais ils disent que c'est difficile pour nous autres de savoir, de faire ce qu'on sait. Parce que pour faire ce qu'on sait, il faut en arriver à avoir suffisamment souffert pour être dans l'intelligence de ce qu'on sait. Puis quand tu es dans l'intelligence de ce que tu sais, ben à ce moment-là, tu l'appliques tout le temps, ça, parce que tu sais que si tu ne l'appliques pas, tu risques de te faire jouer un cul. Tu sais, j'ai déjà dit, la séparation en... On vit l'homme sur la Terre dans un champ de probabilité. Les options. Puis eux autres, là, ils nous accrochent là-dedans. Puis plus tu deviens intelligent, plus ce champ-là se rétrécit, puis se rétrécit, puis se rétrécit. Éventuellement, tu deviens tellement intelligent que là, ça, ils peuvent plus te jouer d'eau. Moi, je suis allé chez Gisèle. Je vais vous compter ça, vous donner un exemple. Je vais chez Gisèle le matin, puis j'ai dit, je veux pas aller chez Gisèle pour rien, partir de chez nous pour aller chez Gisèle. Fais-moi pas aller chez Gisèle pour rien, parce que moi, j'étais en maudit. Fait que moi j'ai mon code avec eux autres, parce que j'ai déjà vécu l'expérience. Quand ils me disent c'est comme le chien, fait que j'ai déjà manqué de me faire mordre par des gros chiens, puis moi, je sais pas mal. J'ai été protégé contre ça. Fait que quand ils disent, quand on dira c'est comme le chien, Bernard, c'est comme le chien, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Quand on dit comme le chien, comment il faudrait que tu tombes dans un trou de 50 pieds, c'est comme le chien, il y aurait un spring en bas pour te tenir. Inquiète pas. Bon. Fait que, en partant chez nous, j'ai dit, c'est comme le chien, il dit, c'est comme le chien. Fait que je m'en vais chez Gisèle, c'est comme le chien, ça veut dire que Gisèle, parce que Gisèle est sourde d'oreille. Fait que si elle est couchée le matin, elle, comment que je crierais que je défoncerais la porte, elle n'entend rien, elle, rien. Bon, elle enlève ses oreilles, elle entend rien, moi. Fait que je cogne à la porte, je sonne le piton, je cogne des vite, il se passe à rien. Fait que là, je m'en vais pour mon char. J'ai dit, tu me dis que c'est comme le chien, mais j'ai dit, j'ai des petites crises de nouvelles pour toi. Parce que là, tu viens de perdre d'une relation avec moi, là. Tu sais, la petite affaire de confiance, là, absolue entre moi et toi, là, l'affaire de comme le chien, ça marche plus. Fait que là, c'est final. Comment tu me diras, c'est comme le chien, là? Moi, il m'a dit, mange de la merde, la première fois. Fait que là, je suis arrivé sur mon champ, puis là, ils ont changé mes vibrations, puis là, ils me mettent sur une pilote automatique. J'arrive sur mon champ, puis ils me retournent d'abord, les enfants, tiens. Fait que là, je reviens à la porte de Gisèle. Là, je perds le contrôle, à ce temps-là. Fait que je m'en viens à la porte de Gisèle. Là, je cogne un petit peu. Puis là, d'en haut, elle dit, oui, allô? J'ai dit, c'est moi. Puis là, elle descend. Elle dit, oui. Puis là, ils me disent, oui, c'est comme le chien. On t'a pas joué de tout, c'était comme le chien. J'ai dit, c'est venu en crise que ça soit comme le chien, parce que ça aurait été final. Fait que là, ça marche comme le chien. Ça va loin avec moi comme le chien, parce que comme le chien, moi, un gars, il m'arrive, c'est avec un gun, là. Tu vois, je travaillerais dans une grosserie, moi, puis un bandit qui m'arrive avec un gun, ça attend. Il m'a dit, il me tient-tu, il me tient pas? Ils vont dire, ils tirent pas. Ils vont dire, comme le chien, s'ils me disent pas comme le chien, là, c'est final. Là, moi, ils donnent l'argent. Mais s'ils me disent comme le chien, je le crisse à terre. Comment tu veux dire? C'est ma sécurité, c'est la seule sécurité que j'ai. C'est comme un contrat entre moi et les autres, là, c'est absolu, cette affaire-là. Fait que si le gars, il met la gun à la tempe, puis il me dit, c'est comme le chien, c'est final, le gars, il va y mettre dans la gueule. Mais s'ils me disent, c'est pas comme le... S'ils me disent pas, c'est comme le chien, là, c'est final, je donne. Comment il y a 50 000 dans le cash, je donne. Pas dans le cas. Avec. C'est ma protection comme le chien. Fait qu'attaquer moi, je pense à la rue. Parce que si c'est comme le chien, vous êtes fini. Ça, ça veut dire là, que je peux faire n'importe quoi. Que la menace, là, va être neutralisée de toute façon. Ben, s'il me lève en levant, matin, c'est final. Moi, je reviens plus sur mes pas. C'est quoi que ça ferait, Bernard, si. Si c'est pas comme le chien, qui t'ont dit que c'est fini avec eux autres, ça veut dire quoi comme définition? Ton rapport avec eux autres, c'est fini, puis... Ça veut dire que si j'étais dans une situation de danger, je me servirais de mon intelligence à moi, je ne mettrais pas ma confiance dans eux autres. Fait que supposons, c'est bon que j'ai ça, parce que supposons que je suis en mer, moi je ne sais pas, supposons que je m'en vais en avion. Hein? Comme Gilles, l'autre fois, il dit, il m'a amené de Québec à Montréal avec son petit avion, en papier mâché. Ah, moi, eux autres, ils veulent me protéger sur le plan physique parce qu'il faut que je reste assez longtemps. Fait qu'ils ont intérêt à ce que j'ai pas d'accident physique. Bon. Fait que l'affaire de comme le chien pour moi, c'est un contrat de vie pour moi. Comprends-tu? Fait que s'il m'arrive, si tu te trouves dans des situations de vie, des fois, où tu peux être en danger, comme le chien, pour moi, là, ça me sécurise complètement. Comme le chien, j'ai un front de chien. C'est ma sécurité comme le chien. S'il me l'enlève, ça, j'ai plus de sécurité. À ce moment-là, ils sont obligés de passer du plan psychologique de ma relation avec eux autres au plan des pouvoirs. Fait que quand ils vont m'enlever la sécurité psychologique de ma relation avec eux autres, que quand je dis, c'est-tu comme le chien, là? Quand ils vont me l'enlever, ils vont être obligés de passer à un autre état vibratoire. À ce moment-là, c'est pouvoir. Pouvoir, ça veut dire que je me dématérialise. Mais fait que moi, je suis sous mon propre contrôle. Mais tant que je suis sous leur contrôle, eux autres, il faut qu'ils me donnent une garantie quelconque. Puis là, comme le chien, mais ça fait partie de ce contrôle-là. Ça va durer un certain nombre d'années. Quand j'aurai plus cette sécurité-là occulte que j'ai avec eux autres, ben, je vais être obligé d'en avoir un autre. Mais elle va être sous mon contrôle à moi, au lieu d'être sous leur contrôle à eux autres. C'est ça la fin. Bon. Il t'a déjà parlé que l'homme ne devrait jamais se laisser influencer par personne. L'homme, quand ça arrive dans son intelligence, je ne sais pas trop si c'est quelque chose de spécial, mais je parle de ce qui là. Est-ce qu'il arrive à un moment donné à aller dans sa propre intelligence à lui? Il peut avoir un contrôle ou quelque chose, ou bien c'est dans sa propre intelligence. Vous en arrivez à être dans votre intelligence. Vous en arrivez à être dans votre intelligence. Vous en arrivez à être sûr de vous-même. 100%. Bon. Ce que j'appelle être sûr, d'être sûr. Vous en arriverez un jour à être sûr d'être sûr. 100%. Mais ça se fait graduellement. Puis plus vous arrivez à être sûr d'être sûr, bien plus vous arrivez à la fusion. Parce que c'est la fusion qui donne le 100%. Quand t'es fusionné, quand t'es fusionné, tu peux pas être moins que 100%, t'es fusionné. Mais quand tu vas vers la fusion, mais tu t'en vas lentement vers ton 100%. Mais t'as pas besoin d'être 100% dans la vie. Du moment que t'es assez sûr, pour être bien. Il y aura toujours des conditions de vie où vous aurez des expériences qui vous amèneront un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Une personne n'a pas besoin d'être fusionnée pour être dans son intelligence. Mais une personne qui grandit dans son intelligence s'en va vers la fusion. C'est normal. Mais il y a toujours un prix à payer au sûr d'être sûr. Puis le prix que tu payes, c'est pour détruire le pas sûr. Le pas sûr, c'est ses attitudes. Plus t'es sûr, plus t'es dans ton intelligence, moins t'as d'attitude. C'est justement ça qui crée ta sécurité, ta certitude. C'est le fait que t'as plus d'attitude. Quand je vous dis, comme pour vous faire comprendre des choses, quand je vous dis, moi me tromper, ou moi me pas avoir raison, ou moi pas être 100% sûr, ça peut pas exister pour moi. Si je peux pas voir, ça existe pas, ça fait pas partie de moi. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'attitude. Fait que tout ce que je fais, moi, ça part. Le feedback, qu'il y ait du feedback ou qu'il n'y en a pas, ça passe pareil. Alors, plus on conscientise, plus on se conscientise, plus on s'en va vers ça, puis vers ça, puis vers ça. C'est pour ça qu'à un certain moment, ben, on commence à être bien. Il ne s'agit pas pour l'homme d'être parfaitement sans attitude. Tu ne peux pas être parfaitement sans attitude tant que tu n'es pas fusionné. Mais l'homme peut être suffisamment conscient pour reconnaître ses attitudes instantanément. Mais à ce moment-là, il est suffisamment dans son intelligence pour se servir de ses attitudes créativement. Là, je vous donne un exemple. Se servir des attitudes créativement, c'est comme, par exemple, excusez si je parle de ma femme, là. Ma femme, elle aime pas ça faire la cuisine. OK? Ma femme, elle veut rien faire. Elle veut pas faire la cuisine. Elle veut rien que m'accompagner, elle, dans la vie. Elle aime ça voyager avec moi, aller prendre un petit café, aller prendre un compte, aller en ville, aller à New York, aller en Europe. Ça, c'est ça qu'elle aime. Ma compagnie. Bon. Ça, c'est son intérêt vital. On est bien là-dedans parce qu'on a même ça même. Fait, elle fait la vaisselle, elle n'est pas intéressée. Elle n'a pas de vibration pour ça. Nettoyer la maison, elle n'est pas intéressée. C'est une perte d'énergie pour elle. Fait que si moi, je n'étais pas dans mon intelligent, mais je dirais, Chris, pourquoi je t'ai marié? La pas vaisselle, tu veux pas laver mes bas, tu veux pas laver la maison, ça te prend une gardienne pour ça, puis ça te prend une nana pour ça, puis ça te prend un plumeau pour ça. Tu sais, ça me coûte une fortune. Fait que je dis à eux autres, qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas faire la vaisselle, elle veut pas faire le cooking, puis sais-tu qu'est-ce qu'ils me disent? Ses souffrances à elle, toi et tes souffrances t'ont donné la créativité que t'as aujourd'hui. Elle, ses souffrances, y ont donné la vie paisible. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Elle, ses souffrances, y ont donné la vie paisible avec moi, mon style de ma compagnie, parce que moi, j'étais un homme bien paisible. Fait que moi, le pouvoir, les souffrances m'ont donné la créativité, puis elle, ses souffrances, y ont donné l'intelligence, qui ont fait réaliser, qui ont fait sortir totalement des attitudes subjectives qu'elle aurait pu souffrir au niveau de dire, ben, comment ça, je fais rien à mon mari, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça, pour la vie paisible. Mais c'est le fait que je suis conscient de son intérêt vital à elle qu'elle a pu le vivre. Si moi, j'étais pas 100% sûr, là, si j'étais pas 100% sûr qu'elle veut pas faire la vaisselle, puis qu'elle veut pas faire les bas, puis qu'elle veut pas faire ci, puis qu'elle veut pas faire ça, qu'avec ça, c'est son gros cul au soleil, là, ben à ce moment-là, j'aurais des maudites tensions. Là, on s'engueulerait. Là, elle souffrirait parce que elle sera pas sûre. Elle ne sera pas sûre d'être sûre, elle ne sera pas sûre de son attitude. Mais là, là, comme elle n'est pas fusionnée, mais son attitude est créative, c'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence dans son attitude, il y a de l'intelligence dans le fait qu'elle n'a pas de vibration pour la faire la vaisselle, elle n'a pas de vibration pour faire ci, elle n'a pas de vibration pour faire ça. Elle a une vibration pour m'accompagner. Elle a ça, cette intelligence-là. Elle l'a réalisé. Puis aussitôt qu'elle l'a réalisé, elle a arrêté de faire la vaisselle. Aussitôt qu'elle devient intelligente, ma femme, arrêtez de faire la vaisselle, arrêtez de faire les bois, arrêtez de faire nettoyer la maison. Elle dit, moi, ma vie, c'est de t'accompagner. Final. Puis, faudra pas que je m'assigne avec elle, elle me rentrera dans le mur. Elle a pas peur de moi, ma femme. Et là, son intelligent. C'est la différence entre vivre une dépendance et vivre dans son intelligence. C'est ça, exactement. Parce qu'elle ne te demande pas la permission pour tes questions. Non. Non, elle me sacre un aller, puis elle vient se trouver un job. Elle aime ça travailler. Elle, ce qu'elle aimerait faire, c'est travailler dans les bureaux. Travailler dans les bureaux, ça, elle aime ça. Travailler. Elle aime ça travailler. Mais dans la maison, elle n'a pas de reste. Elle n'a pas d'énergie. La petite, il ne faut pas qu'elle s'occupe trop de la petite. Elle s'en occupe, assez, juste qu'elle a besoin de la petite, le reste. Mais elle est dans son mental. Fait que moi, je suis oublié de fermer ma gueule parce que c'est ça. Fait que, ben, puis moi, je suis bien. Mais si j'avais des attitudes, si je n'étais pas sûr d'être sûr, à ce moment-là, ça sera touché parce qu'elle aurait des attitudes, puis moi j'aurais un petit peu des attitudes, même si on était un petit peu tous les deux intelligents. Là, il y aurait des conflits, il y aurait des maudits de mèche. C'est le fait que je suis sûr des sûrs qui me permettent de savoir que ce qu'elle veut, elle, c'est son intérêt vital, puis c'est ça qu'il faut qu'elle vive. La vie, d'où est ça? Ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son expérience en tête de ma compagnie. Fait que moi, si je dis, on s'en va demain en Europe, on s'en va en Europe, laisse faire le reste, on s'en va. Ben, c'est mal. Ça, c'est sa vie à elle. Faut qu'elle ait quelque chose pour balancer ce qu'elle a partout dans la vie. Parce que vous autres, vous avez des maris, vous avez des maris, vous avez des relations humaines normales avec vos maris. Moi, je suis pas un mari normal. Moi, je suis un initié. Fait qu'il y a bien des choses que ma femme, en tant que femme, elle n'a pas, que vous autres, vous avez en tant que femme avec vos maris. Fait qu'il faut qu'il y ait une balance. Ta balance, elle, c'est un free ride. Free ride. C'est toujours une affaire de balance. C'est ça, c'est une affaire d'intelligence, puis d'intelligence, puis d'intelligence. Ben, t'en arrives à un point dans la vie. T'as pas besoin d'être fusionné pour être. T'as pas besoin d'être fusionné pour être intelligent. T'as pas besoin d'être fusionné pour être sûr d'être sûr. Mais t'as besoin d'être fusionné pour être sûr d'être sûr d'être sûr. T'sais, réellement 100% sûr, là. Là, faut que tu sois réellement près de la fusion. Alors, plus tu te rends dans ton intelligence, ben plus tu l'as, ça. Ça veut dire que, à chaque fois que tu fonctionnes dans ton intelligence, plus tu l'as, la vibration de faire ou de ne pas faire quelque chose, c'est ça. Même dans la fonction matérielle. Exactement. Ça veut dire que faut pas s'occuper de vérifier si il y a la possibilité matérielle de respecter notre vibration à votre vie. Toujours là. Bon, l'intelligence est toujours ajustée à ta vie matérielle. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Le seul rôle qu'on a à faire, nous autres, c'est de respecter l'intelligence. Ouais. Parce que à chaque fois qu'on la respecte pas, on le sent. C'est ça. Là, il y a une interférence. C'est ça. Nous autres, on vit au niveau de notre corps de désir. Il faut pas faire de l'allergie. Non, non, non, non, non. Oh, non, c'est dangereux, la logique. Mais la logique, c'est pas intelligent. La logique, c'est la qualité de l'intellect. C'est la belle qualité de l'intellect. Mais c'est pas de l'intelligence, la logique. Moi, je suis pas logique, je suis intelligent. Je peux avoir de l'ordre dans mes idées. Vous autres, vous pouvez appeler ça de logique, si vous voulez. La logique, ça n'a rien à faire avec l'intelligence. La logique, c'est une qualité de l'intellect. C'est un mécanisme, c'est un outil pour l'intellect. L'intelligence, c'est totalement créatif. La logique, c'est mécanique. Et la logique, c'est fondée, c'est basée sur des attitudes. C'est pour ça que c'est dangereux, la logique. Si tu sais qu'il y a une chose que tu n'aimes pas faire, tu te forces à la faire. OK, il y a deux aspects là-dedans. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire, puis tu te forces à en faire, c'est parce que tu n'es pas encore assez intelligent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si tu sais qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire, puis tu le fais pareil, c'est parce que tu as encore de l'expérience à vivre en fonction de cette affaire-là pour en arriver à raffiner ton intelligence. Fait que c'est bon en attendant que tu le fasses. Mais une fois que tu es dans ton intelligence, tu peux pas faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Ça se tient plus. Tu peux pas être cosmique puis planétaire. Tu peux pas être astral puis mental pur. Un des deux. Parce que quand plus tu vas vers la fusion, plus tu es dans ton intelligence, plus tu es obligé de respecter tes vibrations. Sans ça, tu souffres. Ah, il y a une maudite différence entre le désir et la vibration. Tout une. Le désir, c'est le pouvoir du corps astral sur la personnalité. Le désir, c'est le renforcement de toutes les attitudes dans une direction pour manifester quelque chose. Quand tu es dans ton intelligence, tu n'as pas de désir. Tu crées des conditions de vie qui sont nécessaires à l'harmonie de tes corps. Si t'as besoin d'aller en Floride, t'as besoin d'aller en Floride. C'est pas un désir, t'as besoin d'aller en Floride. Tu peux prendre la décision d'y aller, que ce soit pas un désir. Tu prends la décision d'y aller, mais c'est pas un désir. Tu crées une condition de vie qui favorise ton équilibre vibratoire. Ça t'explique-tu comment créer la condition d'aller en Floride? Plus t'es dans ton intelligence, plus t'as créé. Plus t'as voué. Mais elle n'est pas contrôlée par ton corps de désir. Bon, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai dit, moi j'ai besoin de linge. Hein? J'ai pas de linge chez nous. Bon, je suis toujours habillé pareil. Je m'étais acheté un petit habit là, à Noël, parce que on a fait un party ensemble. Là. J'ai dit, moi être propre, moi changer de linge un peu, sorti de mon linge de séminariste. Alors, je m'étais acheté un saut avec une petite veste, j'étais cute, hein? Tout en bleu. Bon. Mais je n'ai besoin de linge. Mais je peux pas m'acheter du linge quand je veux. Je m'achète du linge quand je peux. Fait que si je dis quand est-ce que je vais l'avoir, mon habit, ils m'ont dit dans 3 mois. J'attends. Je sais que j'ai besoin d'un habit. Je sais, ça fait partie de mon intelligence. Mais j'ai pas de désir de m'acheter un habit. Je sais que j'ai besoin d'un. mais je respecte les lois vibratoires. Fait que ça me... Eux autres, ils veulent que je vienne ici habillé tout le temps dans la même toune. Je commence à être écœuré, j'ai hâte de changer, mais ils veulent que je sois de même. Mon blazer, mon petit pied de poule, ma petite... J'ai trois cravates, j'échange. Je me fais deux, trois sous. Des fois, je mets mon blazer, des fois, je mets un autre. Mais je joue avec ça. Puis ils veulent seulement, ça, c'est ma vibration. Je peux rien faire. Si quand je voudrais un saut, j'y irai. Mais là, je peux pas y aller. Quand ils disent une cravate, trois semaines. Attends, trois semaines. Quand j'ai pas de corps de désir, fait comme ça, je souffre pas de pas avoir de cravate. Je souffre pas d'être habillé tout le temps de même. Mais si j'avais un corps de désir, je souffrirais d'être habillé tout le temps pareil. Bon, moi, on m'offre notre chemin d'avion, puis t'en viens de l'avion, ça me prend, j'aime ça, j'aime ça. Mais là, je m'aperçois que me préparer, là, check les enfants, ça ne vaut pas, l'énergie que ça me prendrait pour partir, là, de la Floride, là. Là, c'était zéro. Bon. Fait que là, je téléphone, je dis non, je ne peux pas. Je suis trop fatiguée. J'ai-tu été selon la vibration? Ouais. Donc, je peux relier par l'énergie. Oui, OK, je suis content de vous demander ça. Parce que si vous aviez allé en Floride, vous l'auriez la vibration pour les enfants. Si vous ne l'avez pas, c'est eux autres qui vous l'enlèvent. Eux autres, ils peuvent vous rendre fatigués demain. J'ai déjà été en Floride aussi vite, là. Ouais. J'ai tout réglé. J'ai ouais. toute l'énergie. Oui, c'est ça. Là, c'est parce que c'était le temps. Ouais. Là, c'est eux autres. Là, je comprends. C'est dur de comprendre la différence entre ouais. les deux. Ben, c'est bien important à la comprendre. C'est bien important. Quand vous êtes dans l'intelligence d'une action, ça se fait toujours tout le temps facile. Quand vous n'êtes pas dans l'intelligence d'une action, c'est tout le temps top. Il y a des blocages, il y a des obstacles. Quand vous êtes dans l'intelligence d'une situation, il n'y a pas d'obstacle, ça va vite. Il y a une chose, Bernard, c'est que ça arrive souvent qu'on a des obstacles et des difficultés dans ce qu'on veut faire, mais il y a des fois qu'il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher parce qu'on dit que c'est... parce que c'est pas, on n'est pas dans la vibration de le faire. Il y a un danger de... Oui, OK. Oh, je vais en parler de ça. Tant que vous n'êtes pas suffisamment dans votre intelligence, tant que vous n'avez pas une conscience vibratoire, vous êtes obligé de vivre vos expériences de vie avec la plus grande intelligence subjective possible. OK? Quand vous perdez votre intelligence subjective, elle est remplacée par l'intelligence vibratoire. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin. Mais tant que vous êtes encore dans l'intelligence subjective, vous êtes obligé de vous servir de votre intelligence subjective le plus possible. Le devoir. Ce que vous appelez, vous autres, le devoir, toutes ces affaires-là. Puis en même temps, ça peut faire développer de la résistance. Comme, je vais vous donner juste un exemple, il y a un matin cette semaine, je me suis réveillé incapable de faire les études. OK, je vais continuer là, parce qu'il y a une affaire. Sans ça, si vous ne vivez pas votre expérience selon votre intelligence subjective ou la qualité positive de cette intelligence-là, et que vous interprétez ce que vous pourriez faire dans votre intelligence, à ce moment-là, vous allez totalement ruiner votre vie. Parce qu'il faut qu'il y ait un échange. Si tu laisses la quatrième marche, si tu montes sur la cinquième marche, il faut que tu laisses la quatrième. Mais tu ne peux pas être sur la cinquième. Tu peux pas être sur la cinquième avant d'avoir complètement lâché à la quatrième. Tu peux pas être sur la quatrième. Il faut que tu restes à la quatrième juste que tant que tu sois sur la cinquième. Il faut que tu aies toujours un pied quelque part. Soit que tu l'as là ou que tu l'as là. Mais il y en a qui sont sur la quatrième, puis là, ils entendent parler de la cinquième, ils sacrent la quatrième. Là, ils tombent sur le cul. Tu peux pas faire ça. Vous n'êtes pas équipé encore pour fonctionner au niveau de votre conscience vibratoire. Au cours des années, vous l'apprenez, puis là, vous développez. Parce qu'une fois... Quand t'es conscientisé, supposons que tu travailles d'une compagnie, là, tu as trop de flaques de ton boss, l'énergie te passe dans le corps, blac, elle te passe dans le corps, de sacrer la job là, tu sacres la job là, tu t'en vas. Mais c'est parce que t'es dans l'intelligence de le faire. En étant dans l'intelligence de le faire, t'es dans l'intelligence d'en trouver un autre. Mais si t'es pas dans l'intelligence, dans ton intelligence, puis tu sacres la job là, ben à ce moment-là, t'es pris dans le vide. Là, tu vas devoir te chercher une job pour trois semaines, puis trois mois après. Mais tu peux être dans la quatrième marche, puis qu'ils vont voir un peu de temps en temps la cinquième. Oui, oui, c'est ça. Mais vous pouvez pas vous fier complètement à la cinquième encore. C'est pour ça que je vous ai dit au séminaire, Ce qui est bien important pour vous autres dans la vie, au fur et à mesure que vous vous conscientisez à l'autre intelligence, à l'autre palier. Vos vêtements, votre nourriture, l'argent dans vos poches, votre job. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Partez jamais à la pédale. C'est facile de perdre des pédales quand on commence à comprendre quelque chose. Parce que comprendre un petit peu quelque chose, c'est plus dangereux que de rien comprendre dans d'autres. Il y a des gens qui comprennent trop un petit peu, c'est plus dangereux que de comprendre rien dans d'autres. Vous êtes bien mieux de rien comprendre dans tout puis être sécure dans la vie que de comprendre un petit peu puis tout vous désécuriser. C'est pas intelligent. Avec. C'est ça. Il y a quand même des risques là-dedans quand tu fais un transfert. Dans ta quatrième par le risque, il ne faut pas qu'il vienne de toi. Il faut qu'il te soit imposé. Quand le risque est imposé, c'est une vibration qui passe. Ça. C'est plus fort que toi. Tu le fais. Là, eux autres, ils te font prendre un risque pour tester ton émotivité. Pour tester ton attitude. C'est pas habitué à ça, mais ben ouais, c'est comme ça qu'il t'habitue. Ah, il est chien. Il t'habitue. Pardon? Quand il teste comme ça, c'est pour détruire en toi l'insécurité de ton ego. Qui crée des attitudes, qui se sert des attitudes pour demeurer inconscient. Ils te testent, puis ils te testent. C'est pour ça que pour eux autres, c'est pas important que ce que vous faites vibratoirement coïncide avec la logique. Jamais. Il n'y a pas de logique avec eux autres. La logique, ça fait partie de nous autres. Avec eux autres, il n'y a pas de logique. Eux autres, c'est vibratoire. Paf! Si t'es rare, c'est fort, tu passes une autre vibration. Éventuellement, t'es suffisamment dans ton intelligence, c'est-à-dire que le rapport vibratoire entre tous les autres est suffisamment grand qu'il te passe la vibration, t'es sûr que tout est correct. Ce que nous autres, on appelle le jugement, là... Ce que vous autres, vous appelez le jugement, c'est votre capacité d'interpréter les événements en fonction de votre psychologie, de votre intelligence subjective. Le jugement, vous autres, vous protège contre eux autres. Un jour, ils vont détruire le jugement. Vous allez avoir une intelligence. L'intelligence est plus grand que le jugement. Le jugement, c'est linéaire. L'intelligence, c'est circulaire. C'est tout. C'est une sphère, l'intelligence. L'intelligence, ça ne se trompe jamais. Le jugement, ça peut se tromper. Vous pouvez, la preuve... Le jugement, c'est ça. La preuve, c'est que vous pouvez faire des erreurs de jugement, mais vous ne pouvez faire jamais d'erreurs d'intelligence. Mais très subtil. Vous pouvez faire des erreurs de jugement, vous ne ferez jamais d'erreurs d'intelligence. Mais pour ne pas faire d'erreurs d'intelligence, il faut que vous soyez dans l'intelligence. En attendant, si vous n'êtes pas dans l'intelligence, mais servez-vous de votre jugement. Ça revient à ce que vous dites avant. Toujours vous servir votre jugement. Un jour, vous, eux autres, vous l'enlèveront, votre jugement, au fur et à mesure qu'ils changeront vos vibrations. Eux autres vont vous l'enlever. Moi, du jugement, j'en ai plus. J'ai que l'intelligence. Je n'ai plus besoin de jugement. Parce que l'intelligence, c'est plus précis que le jugement. Quoi. L'intelligence, c'est plus grand que le jugement. L'intelligence, c'est l'intelligence. Le jugement, c'est humain. L'intelligence, c'est universel. L'intelligence, ça, c'est un parapluie sur le jugement. Quand tu donnes l'intelligence, pour vient le jugement. Regardez, notre sécurité matérielle, c'est du jugement? Oui. Votre sécurité matérielle, ça fait partie du jugement qui fait partie de votre intellect, qui fait partie de votre personnalité, votre ajustement psychologique. Un jour, quand vous serez dans votre intelligence, qu'eux autres vous créeront votre sécurité matérielle en relation avec d'autres activités, à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de votre jugement. Vous serez dans votre intelligence. Mais à ce moment-là, vous n'aurez plus de problème de survie. Tandis qu'aujourd'hui, le jugement fait partie de votre problème de survie. Si vous n'avez pas de jugement, vous allez avoir des problèmes de survie. Quand vous serez dans votre intelligence, vous n'aurez plus de problème de survie. Vous aurez simplement à vivre. En attendant, vous faites des erreurs de jugement. Est-ce que c'est à cause des habitudes et d'entêtement qu'il y a tant de personnes confuses dans le centre d'accueil, des personnes âgées, il y a tant de personnes âgées qui sont confuses? Recommencez donc ça? Est-ce à cause de l'entêtement et des habitudes qu'il y a tant de personnes âgées qui sont confuses dans le centre d'accueil? Qui sont confus? Les gens qui sont dans les centres d'accueil, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont arrivés à un stage de sénilité. Plus ou moins avancé. Et la sénilité, c'est un point dans la vie d'un être humain où l'intelligence ne peut plus faire en sorte que il y ait une relation normale entre l'émotivité et le jugement. Il n'y a plus d'accord. Ça se comprend-tu, ça? Hein? Le jugement fait partie du mental, mais il se sert de l'émotivité. S'il y a eu trop de trous dans l'émotivité, comme les vieux vivent dans le passé, si l'émotivité, elle est trop morte, si elle est fanée, À ce moment-là, le jugement ne peut plus se servir d'elle. Parce que dans le jugement, il y a toujours de l'émotivité. Le jugement, un bon jugement est toujours le résultat d'une émotivité équilibrée.